Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Frédéric Douglass et son combat pour l'abolition de l'esclavage. Et quand il passe au Nord, les gens disent « ça se peut pas parler bien comme ça, puis être cultivé comme ça, c'est pas un esclave en fuite, ça c'est quelqu'un qu'ont préparé les abolitionnistes pour faire une mauvaise presse à notre cause esclavagiste. » Alors Douglass écrit un livre où il raconte son histoire en entier, en donnant les noms des personnes, les noms des rues, où il était, tout, il raconte tout. Le livre qu'écrit Frédéric Douglass et dont parle le philosophe Normand Baillargeon à l'émission « Dessine-moi un dimanche » en décembre 2013 est le célèbre « Mémoire d'un esclave ». Dans ce livre, publié en 1845, Frédéric Douglass raconte sa propre histoire et en publiant ce livre, il va devenir lui-même une manière de symbole et l'une des voix les plus puissantes du mouvement abolitionniste aux États-Unis. Frederick Douglass becomes a symbol of the liberation of slaves in the country. Frederick Douglass est devenu le symbole de la libération des esclaves dans le pays. Esclave à la naissance, il a néanmoins eu l'audace et l'ambition de se libérer avant de décider de devenir un leader contre l'esclavage. Non seulement il a les capacités mentales de se voir comme un homme libre, mais il a l'audace de dire qu'il peut mieux parler au nom des esclaves que les abolitionnistes qui prennent leur défense, mais ne comprennent pas leur souffrance. Extrait du documentaire « America, the story of us » diffusé sur la chaîne History en mai 2010. On y entend le révérend et militant des droits civiques Al Sharpton pour nous présenter le parcours très singulier de Frédéric Douglass. J'accueille Mylène Desautels, qui est professeure d'histoire au cégep Lionel-Groulx dans la région de Montréal. Mylène Desautels, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle représente, cette figure de Frédéric Douglass dans l'histoire des États-Unis? C'est sûr que Douglass, c'est un monument. C'est vraiment quelqu'un qui a une vie improbable, qui est né esclave, réussit à s'enfuir et devient un grand abolitionniste américain, un des Noirs américains, donc abolitionniste, mais aussi, il écrit énormément et va se prononcer sur une foule de sujets, pas seulement sur l'égalité des Blancs et des Noirs. Et ses textes qui sont très marquants, parfois c'est des discours, des fois c'est ses livres dont on parlait tout à l'heure, ces textes ont encore une résonance aujourd'hui. Alors, non seulement il est un ex-esclave, un abolitionniste, mais aussi un grand penseur américain du 19e siècle. De fait, s'il n'avait pas été noir et esclave, on aurait... le reste compte. Oui. On aurait évoqué son nom comme grand penseur américain. Exactement. Il se prononce sur la religion, sur le droit des femmes, sur la Constitution américaine, sur l'importance de l'éducation. Donc, c'est vraiment un penseur complet qui se prononce sur de nombreux sujets. Il naît donc esclave, Frédéric Douglass. Il va réussir à s'affranchir, il va devenir l'une des voix importantes du mouvement pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. En fait, ce qui est formidable quand on suit son parcours, quand on retrace son parcours, Mylène Desautels, c'est de se rendre compte à quel point il est à la fois un témoin, mais un acteur privilégié de son temps. Douglass, c'est le destin des Noirs américains au 19e siècle. Ça ressemble à quoi, cette société-là, sur le plan racial, au 19e siècle? D'abord, Douglass naît en 1818. C'est un moment où les États-Unis deviennent indépendants, donc fin 18e siècle, et se développent de manière fulgurante. Et dans le Sud, c'est l'esclavage qui se développe de manière assez importante, malgré le fait que la traite atlantique ait été interdite en 1808. Et le nombre d'esclaves durant la vie de Douglass va augmenter de façon assez impressionnante. Quand Douglass naît, on parle d'1,2 million et à la veille de la guerre de sécession en 1860, on est rendu à 4 millions d'esclaves. Et ce pays qui se dit le pays de la liberté est aussi le pays de l'esclavage. Et dans les années 1840-50, le système dans le sud des États-Unis se durcit. Et Douglass, donc, va être témoin de ça, va avoir vécu de l'intérieur l'esclavage et de l'extérieur, il verra son durcissement et va lutter, évidemment, pour essayer de mettre fin à l'esclavage. Il faut comprendre une chose. Quand vous parlez de la multiplication du nombre d'esclaves au 19e siècle aux États-Unis, c'est que c'est un pays très, très prospère. C'est l'ouverture vers l'Ouest. C'est un pays qui, géographiquement, a grandi. Donc, c'est l'explosion économique et l'esclavage fait partie, à ce moment-là, de la machine économique américaine. Tout à fait. Les États-Unis sont prospères en grande partie parce qu'il y a de l'esclavage. Et ce point-là va devenir un conflit, évidemment. Le le Nord étant libre et le Sud étant esclavagiste. Et dans la progression des États-Unis vers l'Ouest, le Sud voudrait étendre davantage l'esclavage, tandis que le Nord aimerait limiter, dans un premier temps, l'esclavage au Sud. Et cette différence de vue entre le Nord et le Sud va évidemment donner lieu à un conflit qu'on connaît tous, la guerre de sécession. Et donc, Douglas va aussi être témoin de cette guerre-là. Il va y participer, on y reviendra plus tard. Et il va aussi donc être témoin de l'abolition de l'esclavage et de la reconstruction du Sud sans esclaves. Il va par contre être déçu assez rapidement parce que malgré les gains qui vont être faits avec l'abolition, les Américains noirs qui deviennent citoyens et qui obtiennent le droit de vote, assez rapidement, Douglas va être le témoin de la contre-révolution blanche et de la ségrégation qui se met en place dans le Sud et qui brime les Noirs par la terreur de leurs droits civiques qu'ils viennent d'acquérir. Et avec l'adoption de ce qu'on va appeler les lois de Jim Crow, au fond, ce Sud encore raciste n'accepte pas l'abolition de l'esclavage et contourne, en adoptant des lois, s'arrange pour que le système ne change pas tellement. C'est ça, exactement. C'est ça qui va se passer. Et ça fait que Douglas a toujours une cause. Oui. Hein, malgré le fait que l'esclavage n'existe plus, il n'est plus un abolitionniste, mais doit continuellement se prononcer pour une meilleure égalité dans la société américaine. Revenons sur son parcours. Vous le disiez d'emblée, c'est vraiment extraordinaire comme parcours. Cet esclave, il naît esclave, il va s'affranchir, va devenir une des grandes voies de l'abolitionnisme. On peut dire au fond, Mylène Desautels, que la vie de Frédéric Douglas dans ses premières années, dans sa jeunesse, c'est la vie typique d'un esclave du sud des États-Unis. Tout à fait. En fait, plusieurs personnes ont dû avoir ce même type de vie. La différence, c'est qu'il aura quelques moments de chance ou des points tournants qu'il réussira à saisir pour se sortir de sa condition d'esclave. Alors, il naît au Maryland, tout juste sous la ligne Mason-Dixon, qui est la séparation entre le Nord libre et le Sud esclavagiste. Son nom est Frederick Bailey. Douglas sera son nom de liberté. Et il naît sur une grande plantation. Et jusqu'à 6 ans, il est élevé par sa grand-mère. Il ne connaît pas sa mère. Il ne connaît pas non plus la date exacte de sa naissance. Pour lui, ça restera toujours une blessure, une première dépossession de même pas avoir d'acte de naissance. Ce qui est assez typique de la condition d'esclave. Tout à fait la norme même. Et son père est fort certainement un blanc. Et il ne saura jamais qui exactement est son père. Évidemment, il a des soupçons que c'est peut-être le maître de sa mère. Mais toute sa vie, c'est une question qui va le tarauder de ne pas connaître complètement ses origines. Ouais. Vers l'âge de 8 ans, il y a un premier tournant pour lui qui va être important. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À 8 ans, il est envoyé à Baltimore, dans la famille donc, de son maître. C'est une pratique courante de se prêter comme ça les esclaves. Et là, il devient donc un esclave citadin. Et il est le compagnon de jeu de l'enfant de cette maison-là. Et la maîtresse, qui n'est pas une femme esclavagiste, qui n'a jamais possédé d'esclaves, comme la plupart des Blancs du Sud, hein, va lui apprendre à lire et écrire. Et il apprend donc avec elle les rudiments de la lecture jusqu'à temps que le maître de la maison voit ça. Mmh. Et là, entre dans une colère terrible contre sa femme. Lui explique qu'on ne peut pas... D'abord, c'est illégal. Hein, les codes de loi des États prohibent cette pratique-là. Et surtout, il explique que cet esclave-là, s'il apprend à lire et écrire, ne sera plus jamais un bon esclave, aura des rêves de liberté. On ne pourra plus le contrôler comme on peut le faire. Et même l'esclave sera malheureux. Donc, pour le bien-être de l'esclave, il ne faut pas lui apprendre à lire et écrire. Et ça, c'est un déclic important. Il comprend quelque chose à ce moment-là, Frédéric Douglas. Exactement. C'est ce qu'il explique dans son récit. Il dit qu'il se rend compte que c'est la façon dont l'homme blanc a le pouvoir sur le noir, c'est de l'empêcher de s'éduquer. Oui. Et à ce moment, il se dit qu'il doit apprendre à lire et écrire. Il a des rudiments. La rue va être son école. Souvent, il vole un peu de pain et en échange d'un peu d'information, une lettre, un mot, une façon d'écrire avec des enfants blancs de Baltimore, il va finir par réussir à apprendre à lire et écrire. Et donc, il est vraiment un autodidacte. À part le petit coup de pouce de départ, c'est par lui-même qu'il apprend à lire et écrire. Vers l'âge de 14 ans, ses belles années à Baltimore, ça se termine. Il retourne dans une plantation. Et là, il va se retrouver entre les mains de ce qu'on appelle, Mylène Desautels, les briseurs d'esclaves. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura pour lui un deuxième déclic important. Exactement. Il est donc envoyé sur cette plantation où vraiment il a un traitement typique d'esclave. Il est battu souvent, il est constamment surveillé. Il n'a aucune liberté de mouvement. Et il y a un harcèlement physique, évidemment, par le fouet, mais aussi psychologique qui est présent. Et ça fonctionne presque. Il se dit complètement abattu. Il se sent comme une bête, en fait. Il se sent comme un animal. C'est ce qu'il raconte dans son récit. Et c'est ça, le briseur d'esclaves. C'est, exactement. C'est tuer l'homme, au fond, la dignité, le ressort, l'espoir. C'est ça. Lui enlever tout espoir de liberté. Ouais. Et Covey, ce maître blanc-là, réussit donc presque à le faire jusqu'à temps qu'il bat encore donc Douglas, et Douglas décide de répliquer. Et Douglas est un homme imposant. Il mesure 6 pieds 1, ce qui est quand même assez important au 19e siècle, et il décide donc de se battre contre son maître blanc. Et la bataille, telle qu'il la raconte, dure 2 heures de temps. Le maître blanc, Covey, ne prend pas le dessus, et même plus encore, ne le dénonce même pas. Ce que Douglas pense, c'est qu'il ne veut pas perdre sa réputation de briseur d'esclaves et préfère donc tenir ça sous silence. Mais pour Douglas, c'est un point tournant parce qu'il dit que malgré toutes les blessures qu'il a, il saigne de partout, il retrouve sa dignité. Ouais. Il se ressent de nouveau comme un homme et le rêve de liberté qu'il a depuis qu'il a appris à lire et écrire lui revient à ce moment-là. Il va donc quitter cette plantation, il revient à Baltimore. À ce moment-là, il y a eu une première tentative d'évasion. Au moment où il est dans la plantation, ça ne marchera pas. Mais de retour à Baltimore, il réussit à s'évader. Comment il réussit son coup? Donc, à Baltimore, il revient chez cette première famille où il avait été quand il était jeune. On lui fait apprendre un métier pour qu'il rapporte de l'argent à la famille. Il devient, il fait calfa, donc il bouche les trous sur les navires. C'est un grand chantier naval, Baltimore. Et Baltimore, c'est une ville où il y a beaucoup de Noirs libres, peu d'esclaves, mais beaucoup de Noirs libres. Et évidemment, pour lui, il ressent toujours l'humiliation d'être esclave, même s'il n'est plus battu, parce que tout son salaire est versé à son maître. Ouais. Et pourtant, c'est lui qui négocie ses contrats et qui gagne son argent. Et c'est dans cette communauté-là, où il y a beaucoup de Noirs libres, qui va se faire des contacts et va réussir à prendre la fuite vers le Nord. On n'a pas beaucoup de détails. Dans son récit, écrit en 1845, il en donne très peu parce qu'il ne veut pas donner les tuyaux qui l'ont permis de rejoindre le Nord, hein, parce que d'autres esclaves doivent suivre ce chemin-là, qu'on appelle l'Underground Railway. Est-ce qu'il a exactement suivi ses points de contact? Là, tout ce qu'on sait, c'est que déguisé en matelot, avec des faux papiers fournis par une noire libre de Baltimore qui va devenir sa femme, Anna Murray, il réussit à se rendre à New York et donc est maintenant un esclave libre, mais en fuite, donc pas complètement libre. À partir des années 1840, cet esclave libre, mais en fuite, va commencer à s'engager dans le mouvement abolitionniste. Comment il en vient à militer ouvertement pour l'abolition de l'esclavage? C'est à ce moment-là qu'il prend le nom de Douglas. Donc, il change de nom, justement, pour être moins facilement repérable. Et il va commencer, donc, à faire des interventions dans les sociétés abolitionnistes qui sont souvent liées aux églises noires. Et c'est dans une réunion d'abolitionnistes blancs où se trouve William Lloyd Garrison, qui est un grand abolitionniste blanc des États-Unis, qui publiait un journal où Douglas fait une intervention. Il est très jeune, il a 23 ans, et ça frappe l'auditoire parce qu'il raconte vraiment les conditions qu'il a subi, pas seulement à partir de son exemple, mais ce qu'il a vu, les assassinats sommaires, l'impunité des Blancs, les fouets, l'humiliation morale. Évidemment, l'auditoire est frappé par cette intelligence qu'il a du récit, son explication de l'esclavage. Et à ce moment-là, on lui demande de devenir un porte-parole de la cause abolitionniste. Ouais. Et il va se promener un peu partout. Évidemment, ce qui captive les auditoires devant lesquels il raconte ses histoires, pas ses histoires, son histoire, c'est qu'il est un bon narrateur, mais c'est que c'est une histoire vécue qu'il raconte. Et ça va lui donner l'idée de publier cette histoire-là, d'écrire ses mémoires. En 1845, Frédéric Douglas publie « Mémoires d'un esclave », livre dont parlait Normand Baillargeon au début de l'émission. Ça va avoir ce livre-là, l'effet d'un véritable électrochoc au moment de sa publication. On écoute un extrait du documentaire « The Abolitionist » diffusé au réseau PBS en janvier 2013. Vous y entendrez notamment l'historien John Stauffer de l'Université Harvard. Douglas listed dates. Dans sa biographie, Douglas mentionne des endroits, des dates, ainsi que le nom de son propriétaire, ce qui est particulièrement risqué. Un ami blanc, après avoir lu le manuscrit, lui conseille de le brûler. Il avertit Douglas que personne ne pourra le protéger si son propriétaire veut le récupérer. Douglas fait fi de ce danger. It was truly a cultural event when he did publish it. La publication de sa biographie en 1845 a été un événement culturel. c'est devenu immédiatement un immense best-seller. Deux ans plus tard, le nom de Douglas est connu partout aux États-Unis. Douglas was a household name in the United States. Alors pourquoi Frédéric Douglass se lance-t-il dans cette aventure? Pourquoi décide-t-il de publier son autobiographie en 1845, Mylène Desautels? Et quel impact va avoir la publication de ce livre-là? Donc, évidemment, il publie ce livre très précis, en donnant des noms, des dates, des lieux, parce qu'il veut montrer sa crédibilité. Un peu comme Normand Baillargeon l'avait dit, on doute que ce soit réellement un ex-esclave qui s'exprime si bien avec tant d'intelligence. Alors, il veut vraiment rendre ça concret et il lutte aussi contre ce mythe du « happy slave », l'esclave heureux, bien traité par ses maîtres qui forment une grande famille ensemble. Et pour lui... Ça circule tout à pour fait. Pour justifier ce système-là, on les dit heureux. Exactement. Ouais. Puis on parle d'une famille. Ouais. On met aussi une couche de religion là-dessus. Hein. Douglas parle beaucoup de la religion puis de l'hypocrisie qu'on retrouve dans la religion sudiste parce qu'il est très religieux. Il ne remet pas en question la religion. Et donc, c'est beaucoup pour lutter contre ça et rendre les conditions des esclaves très, très concrètes aux yeux donc des auditoires. Et il se promène partout, partout, partout, au risque de sa vie. D'ailleurs, il va se faire tabasser en Indiana en allant à une de ses rencontres. Donc, c'est un risque qu'il est prêt à prendre. Oui. Mais ça a un impact, encore une fois, très, très grand parce que le récit est captivant. Puis encore une fois, il y a cette crédibilité. Voici un homme qui est passé par là. C'est pas un blanc qui a de beaux principes. Non, c'est un esclave, un ancien esclave qui raconte son histoire, les conditions dans lesquelles il a vécu. Il va, cela dit... avec le temps, se radicaliser un peu. Frédéric Douglass, à partir de 1850, dans son action, dans ses discours, il prend un virage un petit peu plus radical. L'un des signes les plus tangibles de cette radicalisation reste son célèbre discours, un discours qu'il prononce le 5 juillet 1852, le lendemain de la fête nationale des Américains. D'ailleurs, c'est de ça dont il parle dans ce discours, ce que ça représente, cette fête nationale-là, quand on est afro-américain. On écoute l'acteur américain James Earl Jones reprendre le discours de Douglass, ce discours du 5 juillet 1852, le 5 juillet 2004. What to the American slave is your 4th of July? Que signifie le 4 juillet pour un esclave américain? Je vous réponds, c'est une journée qui, plus que toutes les autres, lui révèle l'injustice et la cruauté dont il est victime quotidiennement. To him, your celebration is a sham. Pour lui, votre célébration est un canular, votre liberté un permis blasphématoire, votre grandeur nationale de la vanité gonflée, vos cris de joie vides et sans cœur, vos dénonciations des tyrans une effronterie culottée, vos cris de liberté et d'égalité une moquerie, vos prières, hymnes, sermons et actions de grâce, avec toute votre parade religieuse et solennelle, sont pour lui une fraude, une déception, un manque de respect et une hypocrisie. There's not a nation of the earth. À ce moment précis, il n'y a pas de nation sur la terre coupable de pratiques plus choquantes et sanglantes que le peuple des États-Unis. Of these United States at this very hour. C'est très fort ce qu'on vient d'entendre. Quelle importance a ce discours du 5 juillet 1852 dans le parcours de Frédéric Douglass? Comme vous l'avez dit, dans les années 1850, Douglas se radicalise, mais en même temps que le pays. Oui. C'est l'époque du Fugitive Slave Act, la deuxième version, beaucoup plus sévère, où le Nord doit collaborer pour ramener les esclaves fugitifs dans le Sud. Lui-même a dû racheter sa liberté avec l'aide d'amis anglais pour éviter, évidemment, que son maître revienne le réclamer, surtout après la publication de ses mémoires. Et il devient convaincu que seulement persuader de manière morale les gens que l'esclavage est mauvais ne marchera pas. Oui. Et donc, peut-être qu'une action politique plus ferme et peut-être même une guerre devient nécessaire. Et donc, il quitte un peu cette approche-là qui est seulement de convaincre les gens que l'esclavage est mauvais. Et donc, il faut aller plus loin. Oui. Et la guerre, elle va, évidemment, elle va survenir, cette guerre-là. Il va jouer un rôle actif dans cette guerre civile, Frédéric Douglass. De quelle manière? Au départ, Douglass est un peu critique de Lincoln, parce que Lincoln veut surtout empêcher l'expansion de l'esclavage, mais pas abolir l'esclavage. Et il va être assez dur envers Lincoln. Évidemment, il va changer vers 63 avec l'émancipation. Il va se rapprocher de Lincoln et il va même faire la promotion de régiments noirs. Oui. Et Douglas va jouer le rôle de recruteur. Et deux de ses fils même vont participer en tant qu'Américains dans la guerre pour défendre donc l'Union américaine. C'est important parce que si les Noirs participent à la guerre, c'est qu'ils sont pleinement citoyens américains. Exactement, exactement. Oui. Qu'est-ce qu'il devient après la guerre civile, Frédéric Douglas? Il est évidemment un personnage reconnu, très influent. Il a rencontré Lincoln et va d'ailleurs après rencontrer aussi Andrew Johnson. Et il est donc un témoin assez privilégié pour voir la suite de la guerre. C'est-à-dire qu'après l'abolition de l'esclavage, les Noirs obtiennent la citoyenneté et le droit de vote. Mais lui voit que Andrew Johnson, qui remplace Lincoln suite à son assassinat, est en fait pas du tout un fervent de la cause des Noirs. Il a une rencontre avec désastreuse où Johnson ne le laisse pas parler et explique même que cette abolition de l'esclavage est un complot des Noirs et de leurs maîtres contre les Blancs pauvres du Sud. Et il traite donc vraiment très mal Douglas. Et donc déjà, Douglas a cette crainte que les gains soient pas très solides et cette crainte va s'avérer réelle puisque dans les années 1870, les Noirs du Sud sont abandonnés d'une certaine façon par le Nord et il y a cette contre-révolution blanche qui met en place la ségrégation. Et donc, Douglas va avoir vu sa cause triompher, mais il va être rapidement déçu et va continuer à se prononcer publiquement pour l'égalité donc, des Noirs et des Blancs aux États-Unis. Sans compter, puis on boucle un peu la boucle, on le disait, c'est un abolitionniste important, mais c'est un penseur américain. Il y posera d'autres combats à la cause de l'égalité des femmes, par exactement. Exemple. Exactement. Ce qui n'est pas rien à ce moment-là. Très, très tôt, dès 1845, donc il appuie le droit de vote des femmes. Ouais. Et il va le faire toute sa vie. Quand il meurt en 1895, il revient d'une réunion du Conseil national des femmes et raconte à sa deuxième femme sa journée et s'effondre donc d'une crise cardiaque à l'âge de 77 ans. Et donc, ça aurait été aussi une cause très importante pour lui, l'égalité des femmes. Qu'est-ce qui reste de lui, de cette figure de Frédéric Douglas aujourd'hui aux États-Unis, Mylène Desautels? Est-ce qu'il y a des héritiers directs de Douglas, par exemple? C'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde aime se réclamer de Douglas. Hein? Il n'est pas un personnage très controversé. Je pense que c'est quelqu'un qui gagne à encore être lu. Oui. Non seulement qu'on doit connaître sa vie, mais aussi encore le lire, parce que ce qu'il écrivait, même si le contexte a changé, c'est encore extrêmement pertinent, notamment l'importance de l'éducation, d'apprendre à lire et écrire pour atteindre un degré de liberté qui ne s'applique pas seulement aux Noirs, mais qui s'applique à un ensemble bien plus large dans la société. Son importance de l'égalité, l'importance de l'État aussi pour aller aider des groupes comme les Noirs américains. Mm-hmm. Et c'est donc une figure qu'on devrait connaître, mais qu'on devrait aussi continuer à lire. Mylène Desautels, professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx, merci beaucoup d'être passée nous voir. Ça a été un plaisir. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.